La yazal ul kalam fi sharhi umdat al ahkam. On continue donc l'explication de umdat al ahkam de al-hafiz Abdel Ghani al-Mazdisi, le chapitre de la prière. Wal yawm ma'ana babun jadid. Et aujourd'hui un nouveau sous-chapitre. Babun وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. Le sous-chapitre concernant l'obligation de la sérénité durant l'inclinaison et la prosternation. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Selon Abi Hurairata radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la mosquée. Et un homme est rentré et a prié. Puis il est venu et a passé le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, irji' fa salli, retourne et prie, car tu n'as pas prié. Alors l'homme est retourné prier, comme il l'avait fait la première fois. Puis il est venu et a passé le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retourne, prie, car tu n'as pas prié. Il a fait cela trois fois sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'homme, il a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais que cela, alors enseigne-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, lorsque tu te lèves pour accomplir la prière, fais le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Puis récite ce que tu peux du Coran. Puis irka, puis incline-toi jusqu'à ce que tu sois pleinement incliné. Ici on a le terme al-itminan. Donc le fait d'être, donc la sérénité jusqu'à ce que tu sois sereinement incliné. Puis lève-toi jusqu'à ce que tu sois normalement debout. Puis, prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois sereinement prosterné. Puis, lève-toi jusqu'à ce que tu sois correctement assis. Puis, prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois sereinement prosterné. Puis, fais cela durant toute ta prière. هذا الحديث هو الحديث المشهور بحديث المسيء صلاته. Ce hadith est le hadith qui est connu par le hadith de celui qui accomplissait mal sa prière radiallahu anhu, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné comment faire la prière. Walahu turuq wa riwayat. Ce hadith, il a plusieurs narrations et plusieurs voix. Yastadillu bihi al-fuqaha ou ala al-wajibati fi salat. Les savants de la jurisprudence, ils utilisent beaucoup ce hadith comme preuve pour citer les obligations de la prière. ولكننا ذكرنا لكم سابقا انه لا ينبغي لاحد ان يظن ان جميع الواجبات موجوده في هذا الحديث. Cependant, on a déjà précisé plusieurs fois, il ne convient à quiconque de penser que toutes les obligations sont citées dans ce hadith. Il n'y a pas dans ce hadith toutes les obligations de la prière. والحديث فيه مسائل كثيره وسنكتفي بما أراده المؤلف بإراده هنا. Le hadith, ce hadith comporte plusieurs sujets différents. Sauf que nous allons nous suffire, inshallah ta'ala, de la raison pour laquelle l'auteur a cité le hadith ici, c'est-à-dire la sérénité durant as-sujud wa rukur, la prosternation et l'inclinaison, la sérénité durant la prière. فذكر المؤلف هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة في الصلاة والطمأنينة أن يمكث الرجل وقتا يسيرا بعدما انتقل من ركن إلى آخر في الصلاة. Et donc l'auteur il a cité, comme je l'ai dit précédemment, l'auteur il a cité ce hadith dans le sous-chapitre lié à l'obligation de la sérénité durant la prosternation et l'inclinaison. Et ce qui est voulu par la sérénité, c'est le fait que l'individu va rester sans bouger pendant un court instant après avoir changé de position durant la prière. Il était dans une position, donc dans un pilier, comme le fait d'être debout. Ensuite, il s'incline. Là, il est dans un autre pilier. Et donc, la sérénité consiste à ce que l'individu reste dans cette position incliné un instant. Ce n'est pas tu t'inclines, à peine t'es arrivé incliné, tu te relèves déjà. Non. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى رُكْنِيَةِ الطَّمَأْنِينَةِ فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَطْمَئِنَّ فِي صَلَاتِهِ فَصَلَاتُهُ لَا تَصِحُ. Et donc le hadith est une preuve qui montre que la sérénité est un pilier dans la prière. Celui qui prie sans sérénité, sa prière n'est pas valable. وأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة فقال فإنك لم تصلي. Et vous voyez que le prophète صلى الله عليه وسلم il a ordonné à cet homme de refaire sa prière et lui a dit tu n'as pas prié. إذن الإنسان قد يصلي صلاة ومع ذلك لا يسمى فعله هذا صلاة في الشرع. Et donc, il se peut que l'individu accomplisse une prière. Mais malgré cela, cet acte qu'il vient d'accomplir n'est pas appelé prière dans la législation. يرحمك الله. لأنه لم يأتي بالواجبات والأركان. Car cet homme a accompli une prière sans les obligations, sans les piliers. Et donc, ce n'est pas une prière dans la législation. وهذا يحثنا أيها الإخوة على التعلم. Et cela nous incite, ô mes frères, à apprendre. Qu'est-ce que la prière? Quels sont les piliers? Quelles sont les obligations? Les sunan? Les conditions? Allah تبارك وتعالى qui nous dit: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dit, est-ce que nous vous informons de ceux qui sont les plus perdants en œuvre? Ceux dont leurs agissements sont caduques ici-bas et ils pensent faire le bien. La personne, elle prie, elle pense faire le bien, mais ses agissements sont caduques car il ne les a pas faits de façon conforme à la législation. Il est donc obligatoire que chacun fasse des efforts un peu chaque jour pour qu'on apprenne petit à petit. Et ce genre de cours sont là pour ça, 20 minutes à chaque fois, allez parfois je dépasse un peu, 30 minutes. Mais tout cela pour qu'on puisse apprendre petit à petit comment adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. وفي الحديث أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il y a dans ce hadith aussi l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الرجل أن صلاته لم تصح ولم يسكت صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué à cet homme que sa prière n'est pas valable et il ne s'est pas tu. Il ne s'est pas tu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est important de conseiller. On se conseille mutuellement. Parfois, on a cette gêne. C'est son droit à lui. C'est toi qui le vois. Et tu te tais, c'est toi qui prends des péchés. C'est son droit. Tu dois le conseiller. Tout, nous tous, on veut que si on fait quelque chose de mal, on a notre frère qui vient pour nous conseiller. C'est notre droit. Et donc, profite, va conseiller ton frère. De la même façon, انظروا هذا الصحابي رضي الله عنه قبل النصيحة. Ce compagnon, il a accepté la prière. Il a accepté le conseil. Il n'a pas dit, comment ça, j'ai prié trois fois. Trois fois, j'ai prié, tu me dis, c'est pas valable. Trois fois, je l'ai fait. Il a accepté le conseil. Et c'est comme ça qu'on doit être. Ton frère, il vient, il te conseille. Filillah, tabaraka wa ta'ala. Tu acceptes le conseil. Alhamdulillah. ثم قال المؤلف رحمه الله باب القراءة في الصلاة. Ensuite l'auteur il nous dit le chapitre, le sous-chapitre concernant la lecture, la récitation durant la prière. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Selon عبادة بن الصامت, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité avec la mère du livre. Qui n'a pas récité la mère du livre, c'est-à-dire El Fatiha. Non, là c'est Fatiha tel kitab, c'est pas Umul kitab, excusez-moi. Qui n'a pas récité l'ouverture du livre, El Fatiha. ذكر الحافظ المقدسي رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. الحافظ المقدسي a cité ce hadith pour montrer le caractère obligatoire de la récitation de l'Fatiha durant la prière. Et cette parole est l'avis de la majorité des ulema. La majorité. Al-Malikiya, Al-Hanabila, Al-Shafi'iya, Al-Jumhur. Wal-Hadithu sarihun fi dhalik. Et ce hadith, il est clair en cela. Il n'y a pas de prière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière légiférée, la prière shar'iya. Pas de prière valable pour toute personne qui ne récite pas Fatihatul Kitab. Khalafahum Abu Hanifa rahimahullah. Abu Hanifa, il s'est opposé à Al-Jumhur, la majorité des savants. Et il a dit que il n'est pas obligatoire de réciter Al-Fatiha. Il n'est pas obligatoire de réciter Al-Fatiha durant la prière. Mais d'ailleurs, après, ils ont divergé les Ahnaf entre eux. Certains ont dit que il faut réciter forcément un long verset. D'autres ont dit non, c'est pas obligatoire que ça soit un long verset, quelques lignes, etc. Ils divergent entre eux concernant quelle est la limite de récitation du Coran. Parce que les savants sont unanimes sur le fait que pour que ta salat soit valable, il faut que tu récites le Coran. Ils sont unanimes. Maintenant, Abu Hanifa diverge d'avec les autres savants. Lui, il dit c'est pas obligatoire de réciter le Fatiha. طيب ما هي أدلة الأحناف؟ Quelles sont les preuves des savants hanafites en cela؟ Il y a la parole d'Allah تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. Alors récitez ce que vous pouvez du Coran. On a aussi le hadith du Moussi, le hadith de celui qui faisait mal la prière, la narration qu'on a entendue tout à l'heure, et récite ce que tu peux du Coran. Les mêmes termes qui ont été utilisés. Qu'est-ce qu'on répond à ça? En plus de la sourate al-Fatiha. Barakallahu fik. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Récitez ce que vous pouvez du Qur'an. Ça, c'est en plus de l'Fatiha. Ce qui est voulu ici, c'est qiyam al-layl dans ce verset. Ce qui est voulu dans ce verset, c'est la prière de la nuit, la prière nocturne. Récite ce que tu peux du Coran, en plus de l'Fatiha. D'accord? Et donc, il faut bien comprendre le contexte et ce qui est voulu par le verset. Ensuite, les Ahnaf, ils se sont aussi appuyés sur un autre verset. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa idha quri al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu, la'allakum turhamun. Lorsque le Coran est récité, alors écoutez-le et faites silence afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et donc ça veut dire que c'est pas obligatoire. Puisque lorsque tu viens dans les rangs, l'imam il va réciter, tu dois te taire. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire, parce que si c'était obligatoire, il t'aurait été obligatoire de réciter tout le temps que l'imam récite ou l'imam ne récite pas. Donc c'est pas obligatoire. لكن الجواب أن هذه الآية عامة خصصتها الأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة. La réponse est que cette parole elle est générale. On a déjà vu ça plusieurs fois dans le fiqh. La parole elle est générale ce verset dans ce verset. Non, cette parole générale dans certains contextes va être appliquée différemment. Cette parole qui est générale dans certains contextes, elle va être appliquée différemment. Comme lors du moment de réciter le Fatiha. Et donc cette parole à la base elle est générale, on doit se taire pour écouter le Coran. Sauf pour la lecture de le Fatiha. Donc ça c'est un contexte spécifique. Pourquoi ? Pour rassembler tous les textes. Il y a des textes qui nous disent d'écouter le Coran et des textes qui nous disent de réciter le Fatiha. On va rassembler tous les textes, on récite la Fatiha et on écoute le Coran. On récite la Fatiha et lorsqu'on a fini de réciter le Fatiha, on écoute la récitation donc du Coran. Et parmi les éléments qui vont appuyer cette argumentation, il y a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset qui suit. Juste après ce verset que nous avons cité, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifa wa duna al-jahri min al-qawl bil-ghudwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin » Et fais le rappel de ton Seigneur. Fais le rappel de ton Seigneur en toi-même. En toi-même. En toute humilité et crainte, à mi-voix. À mi-voix, le matin et le soir, et ne fait pas partie des insouciants. Et donc, ce qui est demandé, « El-matloub min al-muslimi fi salatihi, in kana yusalli khalf al-imam, an la yajhar, lakinahu yakra'u fi nafsihi. » Et donc, ce qui est demandé aux musulmans, lorsqu'ils prient derrière l'imam, c'est de ne pas parler, de ne pas réciter à voix haute. Mais il récite en lui-même. Il récite en lui-même. Et donc cette argumentation n'est pas correcte pour dire que la Fatiha n'est pas obligatoire. ثم من أدلة الأحناف حديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة. Parmi les preuves de l'Ahnaf, il y a aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui prie derrière l'imam, alors la récitation de l'imam est pour lui une récitation. » Si tu pries derrière l'imam, alors la récitation de l'imam, c'est pour toi une récitation. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de prier. Donc, c'est pas obligatoire. Sinon, ça serait obligatoire tout le temps. « وَهَذَا الْحَدِيثِ ضَعَفَهُ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ » Ce hadith, il a été jugé faible par beaucoup des « حُفَّاظ » des savants du hadith. كما بينه ابن القيم رحمه الله سياد كما montré le savant ابن القيم رحمه الله وكذلك ضعفه الدارقطني وابن حجر وغيرهم aussi الدارقطني et ابن حجر et d'autres parmi les savants ont jugé ce hadith faible لانه من طريق جابر الجعفي وهو متهم car ce hadith la chaîne de transmission de ce hadith passe par Jabir al-Ju'fi. Et celui-ci, il est Muttaham. Naam. Fa al-rajihu fi hadhi al-mas'ala anna kara'at al-fatiha wajibatun fi salat. Et l'avis le plus juste dans ce sujet, c'est qu'il est obligatoire de réciter surat al-fatiha. La lecture de al-fatiha est obligatoire durant la prière. Mais il reste une divergence. Huna khilaf. Wa hadha al-khilaf sanarahu ghadan inshallah ta'ala. هل قراءة الفاتحة واجبة في السرية والجهرية أو السرية فقط؟ Est-ce que la lecture de l'Fatiha est obligatoire durant les prières qui se font à voix basse et à voix haute ou alors seulement durant les prières qui se font à voix basse? C'est-à-dire que lorsqu'on prie le Maghrib, on prie l'Isha et que toi tu es derrière l'imam, est-ce qu'il t'est obligatoire de réciter le Fatiha? On le verra demain, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.